histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous faisions la connaissance de Jumbo, débarqué dans le port de New York le 24 mars 1882. Jumbo l'éléphant est une star, un éléphant qui se produit sous les feux des projecteurs, parcourant les routes d'Europe et du monde, à bateau, en train ou en camion, aux côtés de ceux qui l'ont dressé. Mais d'où venaient-ils ces éléphants du 19e siècle? À quoi répondait ce désir de voir un éléphant danser sous un chapiteau? À quoi peut donc ressembler la vie d'un éléphant de cirque? Hélène Bigot et Véronique Lamandour ont tenté hier de nous donner des réponses. Aujourd'hui, Jumbo est devenu progressivement un symbole de la cause animaliste. Et si les éléphants disparaissent progressivement des cirques, que vont-ils devenir? Comment organiser l'après-cirque et offrir à ces animaux une retraite bien méritée? Telle est la question du jour à laquelle Hélène Bigot et Véronique Lamandour vont répondre aujourd'hui dans ce second épisode. Tandis que se poursuit le programme, nous sortons et allons faire un tour du côté des ménageries. Recouvertes d'une immense bâche, les cages abritent les éléphants, les chevaux, les lions, monsieur, madame et bébé, les tigres et les singes du cirque Pindare. Moi, quand j'étais petite, j'allais pas au cirque. Ma maman ne voulait pas m'emmener dans les cirques, elle trouvait ça super cruel de voir des animaux en cage et qu'on leur faisait faire un peu n'importe quoi, donc j'en ai pas vu quand j'étais petite. Mais par contre, j'ai été confrontée au même problème quand moi je suis devenue maman. Céline Pater, association Les Pisteurs de Cirque. C'est-à-dire que mon petit, il avait des sorties scolaires très jeune à la maternelle tout de suite où on lui a proposé d'aller au cirque. Et là, je me suis dit, mais comment je fais? Qu'est-ce que je dis maintenant, moi, à mon enfant? Par contre, j'ai pas eu la même démarche que ma maman et je l'ai emmené. Donc, voir des spectacles et visiter les ménageries. Et il s'est rendu compte de lui-même très rapidement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La piste aux éléphants. Véronique Lamandour et Hélène Bigot. Épisode 2. La révérence du pachyderme. Tout jeune, on était en Suède, avec mon père avait les éléphants là-bas. Daniel Suskoff, dresseur. Et moi, j'étais tout petit, mais il me prenait toujours avec lui. C'était drôle parce qu'il avait une éléphante, Safari, qui était énorme. C'était une éléphante énorme, mais elle était très caractérielle. Mon père, c'était la seule personne qui l'avait vraiment bien la main, avec qui... Oui, mais cette éléphante-là m'avait pris un petit peu en infection. Et tout petit, eh bien, dès que je faisais une bêtise, et puis, pas dire que je les évitais, j'en faisais pas mal. Dès que ma mère me cherchait, voulait me plus dire, je filais à l'écurie et j'allais me mettre entre les jambes de l'éléphant. Et la personne, même le soigneur, l'assistant à mon père, n'essayait pas d'aller me chercher. C'était pas la peine. Et moi, j'avais une particularité, c'est que j'en avais qu'une d'éléphant. Donc il fallait que je fasse tout avec la même. Et c'est ce qui a, je pense, marqué mon travail avec les éléphants, c'est que j'en ai eu qu'une et qu'il a fallu que je trouve des solutions pour tout faire avec le même éléphant. Donc un cornac, un éléphant. Et le plus bel exemple que j'ai eu, c'est la bascule, parce que je faisais un numéro d'acrobatie où l'éléphant tapait sur la bascule, je faisais saut périlleux, j'arrivais sur son dos. Mais on a vu des numéros où il y avait deux éléphants, un qui tapait, un qui attendait que le voltigeur arrive sur son dos. On a vu des numéros où il y avait un seul éléphant, le voltigeur arrivait sur le dos de l'éléphant, mais il y avait à côté un cornac. Et nous, dans notre famille, bah, j'étais le plus acrobate de la famille. Et en même temps, j'étais le cornac, et en même temps, j'avais personne. Donc j'ai appris à Cinda à taper sur la bascule, en lui donnant les ordres de la bascule, en voltigeant et en arrivant sur son dos. Vous avez les pattes qui vous rasent la tête presque. Que l'éléphant, il tape, il sait parfaitement ce qu'il fait, il sait parfaitement... Il fait attention à vous. Ça... Cette émotion-là, je regrette que d'autres personnes ne pourront plus le percevoir, moi, dans ma famille, mes enfants, parce qu'aujourd'hui, on n'est qu'avec les chevaux et voilà, on a su aussi évoluer, s'adapter. Vous avez été triste de vous en séparer ? Bien sûr, je suis triste de m'être séparé de Cinda, parce que c'est comme quand votre enfant il part de la maison, c'est pareil. Vous avez passé, moi j'avais 35 ans quand elle est partie, et bon, bah, c'est une page qui tourne. Mais après, ça n'empêche que je suis en contact tous les jours avec son cornac, pas tous les jours, mais très fréquemment. Qu'avec mes filles, j'y vais deux fois par an voir comment elle évolue, et que quand je suis là-bas, ben, je lui fais les pattes avec l'autre cornac, je râpe les ongles, je rabote le dessous des pattes, je la lave, je la frotte. L'éléphant, il adore ça. On utilise le karcher parce que la peau de l'éléphant est très épaisse, environ 3-4 cm d'épaisseur, ça dépend des endroits. C'est aussi toutes ces choses qui font que la relation, voilà, vous avez un animal, vous vous en occupez quotidiennement et lui, il est reconnaissant. Dans un cirque, par exemple, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un éléphant soit heureux ? Déjà, est-ce qu'on peut parler de bonheur pour un éléphant ? Alors, on peut parler de bonheur, bien sûr. Tout animal qui vit dans son environnement, qui est en bonne santé, qui peut jouir de sa famille, de ses proches, etc., je pense qu'on peut dire qu'il est heureux. Georges Chapoutier, neurobiologiste et docteur en philosophie. Il a les mêmes systèmes cérébraux que nous pour la gestion des sensations plaisantes et déplaisantes, le système du plaisir qu'on appelle le système limbique. Tous les mammifères, pour rester chez eux pour l'instant, ont le même système que nous. Donc ils ressentent le plaisir exactement comme nous. Donc on peut dire qu'il est heureux. Alors la question que vous posez, est-ce qu'il est heureux dans un cycle ? Je suis tenté de dire, ma réponse c'est non. Un animal sauvage n'est jamais heureux dans un milieu où il est emprisonné. Le simple fait qu'il ne voit pas sa forêt, qu'il est enfermé le soir entre quatre murs, je pense qu'il ne peut pas être heureux, a priori. À partir du moment où l'animal se sent bien, on arrive à modifier en fait le comportement d'un animal, mais on ne change jamais son instinct. L'instinct, c'est qu'il peut vivre avec ses congénères, mais à partir du moment où on arrive à prendre la place du congénère, il s'adapte très bien. La nourriture, les soins, les caresses, les relations de complicité, tout ça viennent développer. Un animal domestiqué devient beaucoup plus intelligent qu'un animal sauvage. On l'instruit. On lui apprend à se servir de. Voilà, on lui développe ses capacités. Moi, je dis toujours, c'est l'animal le plus proche de l'homme parce que, avec sa trompe, ses pattes, sa longévité, son intelligence. Surtout son intelligence. Oui, mais moi, je dis toujours que l'intelligence est liée. À partir du moment où il arrive à voir, toucher, sentir avec sa trompe, bon, il voit ce qu'il fait avec sa trompe, et en même temps, il a la longévité, c'est-à-dire il vit entre 60 et 80 ans, comme l'être humain. Le cheval, on arrive à créer une relation extraordinaire, sauf qu'à 25 ans, il est en fin de vie. L'éléphant, moi, c'est ce qui m'a toujours fasciné, c'est que vous arrivez toujours à repousser les limites. Et vous devez penser d'ailleurs, comme un être humain, qu'est-ce qu'il va faire dans 10 ans ? Comment le faire évoluer pour que physiquement il se sente bien, parce qu'on ne veut pas qu'il ait de l'arthrose, on ne veut pas qu'il ait des difficultés musculaires. Voilà, on tient nos animaux, on tient ces animaux, c'est des êtres chers. Comment ? On n'est pas dans la tête de l'animal, mais maintenant qu'on cherche à s'y mettre, qu'on cherche à se mettre à la place de l'animal, ça pose beaucoup de questions sur l'animal, la façon dont l'animal ressent les choses. Alors bien sûr, le cavalier, lui, il est sur son cheval, il va pas se casser la tête, c'est vrai. Il va dire le cheval, il est content, il a son foin à la fin de la journée, etc., etc. Est-ce que le cheval est heureux ? Ça se discute, et ça mériterait d'être étudié. Alors, les éléphantes qui sont encore détenues dans les cirques en France, on a Bridget et Nelly au cirque La Piste aux Étoiles, on a Rosa et Bambi au cirque Falk, on a Deli et Saba au cirque Pinder, on a également Tania au cirque Europe, on a Baby, on a Mina et Kamala au cirque Medrano, Babati, Bumba, Jumbo et Siam qui étaient en tournée avec le cirque Arlette Bruce depuis plusieurs années. On avait Indra du cirque Maximum et les circassiens, pour l'instant, les placent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils choisissent l'emplacement où les éléphantes vont pouvoir avoir une retraite. Si c'est réellement une retraite. Les derniers applaudissements se sont tus. Un à un, les enfants sont rentrés chez eux, avec, gravé dans leur mémoire, la légèreté du trapéziste, le courage de la funambule et les clins d'œil du clown. On a tournoyé dans les airs, on a retenu son souffle, frôlé la mort, affronté l'échec, craché du feu, fait apparaître, disparaître, réapparaître. On a ri et on a applaudi. À présent, dehors, la nuit recouvre de son silence les mille couleurs du chapiteau. Dans son enclos, l'éléphante s'est endormie. Elle a une quarantaine d'années. Pour une éléphante d'Asie, c'est un âge très avancé. À quoi rêve cette vieille dame ? Que ressent-elle ? Tenter de raconter la vie d'un éléphant de cirque, c'est un peu comme se glisser dans la coulisse. Derrière le rideau rouge, un tout autre spectacle se joue. Celui d'une société en mutation. Celui d'hommes et de femmes engagés dans la défense de leurs idées. Une certaine idée du merveilleux, de la nature, de l'animal, une certaine idée de l'homme. À travers le monde, 28 pays ont déjà interdit partiellement ou totalement la présence d'animaux sauvages dans les cirques. Ce n'est pas le cas de la France. Pascal Jacob est historien du cirque. Il nous rappelle quelle était la conception de l'animal au XIXe siècle, lorsque les premiers animaux sauvages sont arrivés au cirque. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, un tigre, un lion, un éléphant sont évidemment beaucoup, beaucoup plus puissants que nous. Et une part de la fascination du cirque, sans aucun doute au XIXe, elle est dans la capacité pour l'homme, finalement, entre guillemets, d'être plus fort que l'animal. De ce point de vue-là, souvenons-nous de la Genèse, croissait, soumettait, etc. Donc voilà, l'homme doit dominer la nature. Évidemment, c'est une notion qui est tout à fait discutable et que l'on discute évidemment beaucoup aujourd'hui, et c'est très bien. En disant depuis la guerre, il y a beaucoup d'intérêt pour les animaux de façon générale. Les mouvements végétariens et véganes sont vraiment en vent en poupe. Il y a des controverses sur la corrida, sur la chasse, sur des tas de choses. Alors, quelles sont les raisons principales, si vous voulez? Moi, je veux dire, une des raisons principales, c'est probablement le fait qu'on est une société devenue affluente. Dans une société riche, on peut se préoccuper des animaux qui vivent avec nous. Lorsqu'on est en temps de guerre, par exemple, il y a d'autres soucis. Et puis, il y a le fait qu'effectivement, cette position post-cartésienne de l'animal-machine, de l'homme centre du monde, et j'ajouterais de l'homme blanc, occidental, mâle, etc., centre du monde, est battu en brèche sur toute la ligne. Donc si le blanc n'est plus le roi du monde colonisé, si l'homme mâle n'est plus le roi du couple, si, etc., etc., peut-être que l'homme tout court n'est pas le roi de l'animalité non plus. Donc tout ça vient un peu de... Il y a une conjonction de réactions philosophiques qui font qu'on met tout ça en cause. A fortiori en France, pays post-cartésien, les pays du nord de l'Europe ont été beaucoup sensibles beaucoup plus tôt à ces questions. Les sociétés de protection animale ont été développées beaucoup plus tôt en Grande-Bretagne qu'en France, par exemple. Donc, la France, maintenant, du fait qu'il y a une espèce de concert mondial, est en train de se mettre au diapason et peut-être à l'intérêt pour l'animalité qu'elle n'avait pas au départ. En 2015, la Fédération des vétérinaires d'Europe s'est prononcée en faveur d'une interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants, estimant que ceux-ci sont dans l'impossibilité absolue de répondre à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. Elle rappelle que les éléphants sont des animaux sauvages non domestiqués, même lorsqu'ils ont été apprivoisés par l'homme. Il y a 6 ans, Céline Pater a créé l'association Les Pisteurs de Cirque. Portée par l'intime conviction que la captivité et l'itinérance sont une source de mal-être, elle profite de son temps libre pour parcourir la France de façon bénévole, et ainsi suivre de très près les cirques et leurs éléphantes, pour lesquelles elle s'inquiète. Dès que je peux, j'y vais. Une des premières éléphantes que j'ai vues, c'était Tania, qui a été rebaptisée Tania, avant c'était Samba, du Cirque Europe. Je voulais la voir. J'ai été discuter avec le dresseur, il n'a pas voulu que je m'approche d'elle. Donc elle était complètement invisible, donc j'ai pu la prendre en photo de loin, mais pareil, elle était dans un tout petit enclos. Elle n'avait pas d'eau et je me suis inquiétée, mais il n'a pas... voilà, ça a été très dur de communiquer avec lui, c'est dommage. Sa fille était présente aussi. Mais bon, étant donné que c'est une éléphante qui s'était échappée il y a quelques années, qui avait tué un homme malencontreusement qui jouait à la pétanque, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de soucis, les médias se sont emparés de l'affaire et également les associations, sans pour autant qu'elle soit saisie et retirée du cirque. Voilà, mais c'est une éléphante qui est complètement isolée et qui n'a pas vu de congénère depuis 30 ans. Je mène des enquêtes. C'est peut-être différent du vrai militantisme. Je pense qu'il est important de suivre les cirques pour voir un petit peu comment se comportent les animaux et comment ils vont. Et ensuite... déceler peut-être des comportements qui peuvent être anormaux, de manière à alerter également les autorités avec lesquelles parfois je suis en contact. Ici, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, on fait part à des associations pour qu'il y ait une plainte qui puisse être émise et pourquoi pas retirer à un animal quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. En France, l'arrêté du 18 mars 2011 autorise la détention des éléphants à condition que ceux-ci disposent d'un box de 10 mètres carrés et d'un enclos extérieur de 250 mètres carrés pour maximum 3 éléphants. Les attaches sont autorisées. Une plainte peut être déposée en cas de mauvais traitement ou d'acte de cruauté. La qualification des actes est alors laissée à l'appréciation du juge, suivant les expertises et contre-expertises vétérinaires de chaque partie. Julie Lann est éthologue, elle a étudié le comportement des éléphants dans leur milieu naturel. D'après elle, le seul fait de priver un éléphant de sa vie sociale et des grands espaces devrait être considéré comme un acte de cruauté. La stéréotypie, mouvement de balancier observé fréquemment chez les éléphants en captivité, serait liée à l'impossibilité d'exprimer ses comportements naturels dans un environnement inadapté. Quand vous mettez l'animal sur les pattes arrière, ça veut dire qu'il a 60% du corps, la tête plus les pattes avant, qui représentent 60%, qui vont peser sur les pattes arrière en plus, ce qui crée des tas de problèmes de santé. Ce que vous ne verrez jamais dans la nature, de façon extrêmement exceptionnelle, vous pouvez voir un éléphant se dresser sur ses pattes arrière en saison de sécheresse, où il n'y a quasiment rien à manger, pour essayer de choper les dernières feuilles qui sont au sommet des arbres, ou les petites pousses encore fraîches. Mais ça va durer très brièvement, quelques secondes, et c'est tout. En même temps, il y a beaucoup d'éléphantes, alors je parle bien des femelles en France, parce qu'on n'a que des femelles, qu'on oblige à faire le poirier, c'est-à-dire qu'elles se mettent sur la trompe et les pattes postérieures sont en l'air. Est-ce que c'est une posture naturelle ? Non. Non, alors, parfois quand ils sont très jeunes, ils prennent des postures un peu incroyables, hein, quand ils sont vraiment éléphantaux, qui ne sont pas encore trop lourds, qui sont dans la boue, qui s'amusent. Là oui, on peut trouver ce genre de posture. Mais sur un terrain dur comme une piste, on n'a jamais vu d'éléphant se mettre en équilibre sur la trompe. Donc comment on fait ? On lui dit gentiment, allez vas-y, mets-toi sur la trompe, lève tes pattes. J'y crois pas. C'est pas possible. Donc forcément, il y a eu un dressage violent derrière. Parmi tous les troubles comportementaux qu'un animal va pouvoir développer suite à la captivité dans sa globalité, vous avez des mouvements répétitifs, locomoteurs, c'est-à-dire faire des allers-retours. Pour les éléphants, c'est des mouvements de balancier de tête, mais également des mouvements de corps qui va d'avant en arrière, d'une patte sur l'autre, ou qui va aller sur les côtés, un peu comme s'il dansait le twist. Ça a l'air fun comme ça, mais ça l'est pas du tout. Les mouvements de balancement ou autres sur les pattes vont créer des problèmes, effectivement, de lésions, des tendons, de fatigue, d'épuisement, parce que l'animal, du coup, ne se repose pas. Quand il est en train de stéréotyper, ça ampute sur son sommeil et sur son repos. Donc, on a des animaux qui sont épuisés, qui sont déprimés, qui sont stressés. Voilà, entre autres problèmes, troubles du comportement, c'est le stress. Vous avez des problèmes sur la reproduction. Vous n'avez quasiment aucun éléphant en cirque qui se reproduit. Vous n'avez, après, à ma connaissance, aucune reproduction en cirque. Parce que justement, les troubles du comportement et le mal-être est tel qu'ils ne se reproduisent pas du tout, très difficilement en captivité et en cirque a fortiori. Il y a des éléphants qui se vengent, enfin, qui vont jusqu'à tuer leur dresseur. On a l'exemple de Taïk. Oui. À Hawaï. Ah oui, ça a une force incroyable. Alors c'est vrai qu'il l'explique aussi comme ça, les dresseurs. C'est-à-dire que bah, si je lui faisais vraiment mal, il y a longtemps que l'animal se serait rebellé et puis il m'aurait tué, que ce soit un fauve ou un éléphant. Mais je pense ils ont tellement l'esprit brisé et ils sont tellement soumis, très jeunes, que c'est devenu un peu comme une habitude, quoi. Voilà. Et l'éléphante, de toute façon, elle a toujours cette menace de l'ancus qui est devant son nez. Donc elle le fait parce qu'elle n'a pas envie d'avoir mal. Quand on veut faire coucher un éléphant, comment on fait ? On lui met le pic derrière l'oreille et pendant le dressage et on l'abaisse jusqu'à terre. Et il n'a pas le choix, l'éléphant, puisqu'il a mal. Donc il le fait. Ça, ces images-là, je les ai. Je vais vous donner une analogie sur l'homme. On a eu tendance, avec des positions postcardiennes, à considérer que tout être qui ne parle pas ne peut pas, en quelque sorte, vraiment souffrir. Que c'est le langage qui porte ça. L'homme est un être de langage, lui porte la souffrance. Mais, d'après les positions postcartésiennes, l'animal qui ne parle pas ne souffre pas. Alors ça a été tellement loin que, jusque dans les années 70-80, on opérait les bébés humains qui ne parlent pas, sans anesthésie. En disant, puisqu'ils ne parlent pas, c'est qu'ils ne souffrent pas. On en est revenu, on sait maintenant qu'ils souffrent. Mais jusqu'en 1980, c'est pas vieux. Hein. Alors, plutôt qu'inhumain, il faudrait dire immoral. Hein. Donc, alors, immoral, ben, c'est immoral si on procure, pour aucune raison, de façon gratuite, un désagrément ou une douleur à un autre être. Ça, c'est moralement, on n'est pas fait pour procurer de la douleur à un être qui n'a rien demandé. Sauf s'il y a une utilité. Alors, ça, c'est encore un tout autre problème. Est-ce qu'une espèce, elle doit profiter d'une autre pour une utilité? Je pense, par exemple, l'expérimentation animale qui fait couler beaucoup d'encre. Là, c'est encore un autre problème, ça. Il y a des cas qu'on peut discuter. L'alimentation carnée pose plein de problèmes, on ne va pas discuter ça ici. En revanche, le divertissement, là, lorsque l'homme fait souffrir un animal pour un simple amusement, ça, c'est scandaleux. Ça devrait être supprimé. C'est pas ça qui changerait le mode de fonctionnement de l'humanité. J'ai rien contre l'art du cirque en général. Mais je pense que l'exploitation des animaux dans les cirques, dans cette itinérance aussi, hein, c'est important de voir qu'il y a cette itinérance qui forcément crée un mal-être chez l'animal. Parce que parfois ils sont installés sur des parkings, sur des espaces qui sont complètement réduits, où les animaux n'ont pas de place. Hein, beaucoup d'animaux domestiques par exemple sont enchaînés directement à un piquet et c'est comme ça toute l'année. Le dialogue qui pourrait être mené ne l'est pas. Il y a des commissions qui sont mises en place par le gouvernement et les associations n'y sont pas forcément invitées. Donc c'est toujours difficile. Je ne sais pas de quelle manière on pourrait les aider. Parce que c'est vrai que nous, on a quand même une position abolitionniste vis-à-vis de l'exploitation des animaux dans les cirques. Maintenant, qui n'est pas forcément d'intention de leur faire du mal, ça je le conçois tout à fait. Qu'il y en ait qui aient même le sentiment d'aimer leurs animaux, je le conçois tout à fait. Mais bon, ce qui est plus difficile pour eux, c'est qu'effectivement, on est dans un changement de civilisation et dans un changement de paradigme. Et effectivement, il y a une désaffection du public pour les cirques avec animaux et qui n'est pas, comme ils le disent, due aux attentats et à une baisse de fréquentation qui serait due à une peur de la fréquentation de lieux publics, puisque des cirques sans animaux, comme le cirque Phoenix, qui était un ancien des anciens de Fratellini qui avaient des animaux sauvages qui ont renoncé depuis 2002, se portent extrêmement bien, fait un grand nombre d'entrées. Ils montrent que le modèle sans animaux sauvages est parfaitement pertinent et fonctionne très bien. Olivier, Célia, est-ce que les acrobates peuvent se changer? Est-ce qu'on a encore besoin d'eux? Pour nous, bien sûr que le cirque, il n'est pas nécessairement avec animaux sauvages. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si aujourd'hui on attaque les cirques avec animaux sauvages, demain, les zoos et les parcs zoologiques et les grands parcs qui présentent des prestations avec des animaux seront attaqués et disparaîtront aussi. Ça, c'est... Oui, parce que si on regarde bien, c'est qu'un début. Hein, parce que on essaye de détruire les professions et si un jour on arrive à supprimer les animaux au cirque, et bien après ils s'attaquent aux zoos, ils s'attaquent aux tout. Et quand on regarde bien, tout ennuie ces gens-là. Excusez-nous de ce petit incident, le spectacle continue. Un petit moyen de demander sur scène. En 1973, un accord intergouvernemental est signé pour réguler le commerce des espèces en voie d'extinction. Les éléphants d'Asie sont interdits à la vente dès 1975. Et en 1990, la vente d'éléphants d'Afrique est interdite pour les cirques et les zoos. Les dernières éléphantes de cirque sont donc arrivées en Europe en 1988. Que deviendront-elles ? Cette branche, c'est pour stockage du foin, déjà. On a des foins pour les premiers éléphants. Et c'est aussi un peu pour des bénévoles. Parfois, on a une semaine bénévole où souvent, il y a des voisins qui viennent ici pour nous aider. Et ici, c'est pour manger quand il pleut. Alors que de plus en plus de pays proclament l'interdiction des animaux sauvages au cirque, une question se pose. Qui pourra s'occuper des vieilles éléphantes? Avant, c'était pour des vaches et après pour des chevaux. Et maintenant, pour des éléphants. En 2012, deux soigneurs belges, Sophie Guttgeber et Tony Verhulst, ont eu l'idée d'ouvrir un sanctuaire pour éléphants, le premier du genre en Europe. Il y a beaucoup d'associations qui s'intéressent à ce que vous faites ? Oui, de plus en plus. Ils voient que nous sommes sérieux. Et parfois, il veut nous aider avec un petit don ou un événement ou nous visiter pour voir. Ouais. Elephant Heaven est en cours de construction. C'est la première maison de retraite des dernières éléphantes de cirque d'Europe. Avec les cirques, c'est parce que la loi change. Donc, il faut chercher une place pour les animaux de cirque, oui. Hein, même les fauves et tout ça. Mais souvent, oui, les vieux éléphants, ils ont des problèmes de pattes, des abcès, arthritis, arthrose. Oui. Ici, on veut leur soigner bien et donner beaucoup de confort. Oui. Et pourquoi le Limousin? Oui, c'est parfait ici. Un équilibre du foin, de l'eau, beaucoup d'espace, tranquillité. Oui. Tout, hein? Beaucoup d'arbres comestibles. Et on plante aussi des arbres. Hein, oui, le sol, le bananier. C'est pas pour les bananes, mais pour l'arbre. Parce qu'il y a beaucoup de fibres dans un bananier. Et ça pousse très vite ici dans le Limousin. Donc c'est parfait pour les éléphants. Le site est 29 hectares. En total, il y a des possibilités pour grandir encore. La première phase, c'est le premier bâtiment maximum 3 éléphants avec un enclos de 4 hectares. Et puis, on va grandir. D'abord, on veut avoir des visites guidées, oui. Petits groupes. Pour ça, une passerelle avec un petit... Une plateforme d'observation. Oui. Et après, un deuxième bâtiment. Je pense 10, c'est vraiment le maximum. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a déjà des cirques et des zoos qui vous ont dit qu'ils étaient intéressés, qui voulaient bien vous confier leurs éléphants, ou est-ce que c'est plutôt difficile comme situation? Je pense maintenant en France, pour les cirques, c'est un peu difficile. Et nous toujours dit que c'est pas noir ou blanc. Il faut voir, il faut penser à leur vie. Ils sont habitués de faire le cirque avec leurs animaux. Donc, et je pense qu'ils veulent pas laisser leur éléphant à nous. Mais on a toujours dit notre message est positif et on est là pour aider. On n'est pas là pour critiquer ou surtout pas dire nous sommes le meilleur, nous sommes mieux. Et ça, je déteste. Non, non, nous sommes là pour vraiment aider et nous sommes là, tout le monde est là pour aider l'éléphant. Et c'est tout. Maintenant, vous allez retourner dans votre monde à vous, dans le monde de, réel. Alexis Grus. Or que lorsqu'ils sont ici, ils sont dans le monde de l'imaginaire. 31 décembre 2000. Dans le monde du rêve. C'est la phrase d'Ernest Hemingway. Le cirque est le seul endroit au monde où j'ai rêvé les yeux ouverts. On ne peut pas trouver plus beau comme phrase sur le cirque. La révérence du pachyderme. Avec Céline Pater, Daniel Suskoff, Firmin Grus, Georges Chapoutier, Pascal Jacob, Julie Lanne, Sophie Goetgeber et Tony Ferulst. Prise de son, Arthur Gerbeau, Olivier Dupré, Lucien Lefebvre et Alexandre Dang. Mixage, Alain Joubert. Archivina, Aude Vassan. Coordination, Christine Bernard. La piste aux éléphants, un documentaire d'Hélène Bigot réalisé par Véronique Lamandou. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il ne fait pas forcément bon vivre dans la peau de James Bond, mais c'est une autre histoire.